Il a dit, radiallahu anha, je portais sur ma tête les noyaux de dattes. Depuis une portion de terre que le messager d'Allah a offert à Zubair, jusqu'à chez moi, d'une distance de 2/3 de Farsakh. Farsakh est une unité persane de distance. Donc, si on fait la conversion, elle fait à peu près 3 km. Un trajet de 3 km. Et un jour, j'avais les noyaux sur ma tête et j'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie d'un groupe d'Ansar. Et il m'appela, puis il cria à sa monture, « Ech, ech !» Il appela sa monture. C'était pour la genouiller, pour que je monte derrière lui. Et par pudeur, je n'ai pas osé être au milieu des hommes. Et je me suis rappelé Zubair et sa jalousie. Il est très jaloux. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a compris que ma pudeur m'a empêché de monter derrière lui. Et il est parti. Et je suis allé voir Zubair et je lui ai dit que j'ai rencontré le messager de Dieu alors que je mettais les noyaux d'ot sur ma tête. Et je me suis rappelé ta jalousie. Et Zubair lui dit, par Allah, porter les noyaux n'est plus pénible que de monter derrière lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit aussi, je suis resté dans cette situation jusqu'à ce qu'Abu Bakr m'envoie une domestique qui m'a déchargé de l'entretien du cheval. J'ai l'impression qu'il m'a délivré comme on délivre un prisonnier ou un esclave. Regarde comment ils souffraient pour satisfaire, pour rendre service à leurs époux. Porter les noyaux de date. Et en plus, les noyaux de date, normalement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les moulaient. Ils ont un matériel comme ça, il s'appelle raha. Et à la main, comme ça, ils concassaient les noyaux de date et les donnaient comme nourriture au cheval. Chère sœur, tu veux prendre les épouses des compagnons comme modèle? Voilà un exemple concret. Attention, elles étaient toutes comme ça, dévouées à leur époux. Dévouées à leurs époux. Bien entendu, maintenant, tu n'as pas besoin de porter des noix pour donner à manger à la monture de l'époux. Maintenant, les voitures et le métro a pris la place de tout ça. Et tu n'as pas besoin de puiser l'eau du puits. Et tu n'as pas besoin de raccommoder le seau. Un simple geste, tu tournes le robinet et l'eau fuit. Un simple geste et la lumière fuit. Tu n'as pas besoin de laver les vêtements de ton époux ou de les filer. Comme a dit Asma ibn Yazid, le lave-linge, il fait ce travail, les vêtements, ça se vend partout. L'électroménager, maintenant, tout ce que Dieu t'a tout facilité, et pourtant, il y a des sœurs qui multiplient les plaintes et les lamentations. Allah vous a facilité beaucoup de choses. Comme art de se comporter avec l'époux, c'est... Et ça, c'est... Je m'adresse à l'épouse qui travaille à l'extérieur de la maison. Et là, je t'avertis. Il ne faut pas que ton emploi soit la cause du déséquilibre de ton foyer. Attention. Attention. Le sujet ici est long. Et je me contente de souligner que la femme peut travailler, mais sous condition. C'est que le travail doit être licite. Elle ne doit pas travailler dans une banque ou dans un endroit illicite. Et le travail doit convenir à sa nature. Il ne faut pas user sa santé et tout, parce que bon. À une certaine époque, les femmes travaillaient dans les mines. Et même jusqu'à maintenant, il y a des femmes qui travaillent dans les mines, qui font des travaux d'hommes, des travaux pénibles. Comme condition aussi, c'est qu'elles ne se mélangent pas aux hommes. Comme condition également, c'est qu'elles se conforment strictement à son hijab, et aussi que le travail ne doit pas avoir des conséquences négatives sur la première mission sur laquelle elle a été créée, c'est-à-dire l'éducation des enfants et de s'acquitter de droits du mari. Ce qui nous intéresse, c'est le dernier point. Est-ce que la femme peut concilier entre le droit de son époux, de ses enfants, sa maison et le travail? La réponse diffère, bien sûr, selon les individus, selon les situations, les pays, on ne peut pas vraiment émettre un critère strict. Quoique c'est difficile dans un pays comme la France, par exemple, ou dans une ville comme Paris, surtout à Paris. Et le cheikh Ibn Baz, rahimallah, il a dit, bon, prenez ce qu'il a dit comme des grandes lignes, comme fatwa de façon globale. Parce que certaines sœurs vont dire, écoutez, Ibn Baz, il ne sait pas ce qui se passe dans les pays européens, mais ça, c'est des grandes lignes, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec lui. Il a dit, si le travail de la femme loin des hommes rend les enfants livrés à eux-mêmes et cause un manquement au devoir vis-à-vis de l'époux, sans en être légalement contrainte, il devient illicite. Car cela signifie un éloignement du rôle naturel de la femme et une négligence de la mission délicate qu'elle doit accomplir, ce qui en résulte une mauvaise construction des générations à venir et un délabrement des liens au sein de la famille. Un délabrement des liens au sein de la famille qui se fonde sur l'entraide, la complémentarité, la coopération et la contribution de chacun des deux époux, et ce grâce aux facteurs selon lesquels Dieu les a prédisposés pour établir une vie dans laquelle règne un climat de stabilité, d'assurance et de sérénité, au sein duquel chaque individu est conscient de ses devoirs en premier et de ses droits en second lieu. Donc, fin de citation du Cheikh Rahimahullah. Très, très important ce qu'il a dit. Et sache donc que tu peux sacrifier ton travail sur le compte de ton époux et de tes enfants, mais ne sacrifie jamais le droit de l'époux, l'éducation des enfants, au profit de ton travail. L'argent est récupérable, mais jamais les enfants et l'époux. Celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah le dédommagera. N'est-il pas le pourvoyeur, subhanahu wa ta'ala? Et nous avons vu de nombreux exemples. Des femmes ont laissé leur travail pour se consacrer à leur époux, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la baraka dans la famille. Comme art également, c'est l'aider dans l'obéissance de Dieu et l'inciter à faire les œuvres salutaires. Et je vous dis, là c'est un conseil. Tout conflit qui éclate entre les deux conjoints, c'est à cause des péchés. Tout conflit, c'est à cause des péchés. Le Très-Haut a dit, nul malheur ne vous frappe que par l'acquis de vos mains. Encore en efface-t-il beaucoup. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Donc purifie ta maison des statues, des revues qui contiennent des choses obscènes, des cassettes vidéo, audio, qui contiennent des choses pareilles, ou la musique. Utilise ton pouvoir magique, ta beauté, ta finesse, ta douceur dans le but de pousser ton mari à faire des œuvres salutaires, à agir dans les bonnes causes. Sinon Dieu risque de te priver de ses bienfaits. Le Très-Haut a dit, lors votre Seigneur promulga, si vous êtes reconnaissant, je jure d'augmenter sur vous mon bienfait. Si vous le déniez, implacable soit mon châtiment. Et ta'adhana rabbukum, la in shakartum la azidannakum, ou la in kafartum inna azabi la shadid. Dans Surat Ibrahim, le verset 7. Tire la leçon des autres. Des autres femmes, combien de foyers ont été détruits à cause des péchés. Beaucoup de femmes ont poussé leur mari à s'endetter, emprunter de l'argent par intérêt, par l'usure, jusqu'à se ruiner. Beaucoup de femmes ont poussé leur mari à travailler dans des métiers qui sont haram pour l'argent. Et beaucoup de femmes multiplient les demandes jusqu'à ruiner leurs époux. Et la majorité des femmes le font, et le font pour imiter les autres. Quand ils voient chez une voisine, ils remarquent des choses comme ça, que sa maison est plus grande, etc. Il veut pousser son mari pour faire pareil. Imitation aveugle. Où en es-tu, chère sœur, de ce qu'a dit le sage, le savant Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut? لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. que l'homme aisé assure l'entretien à la hauteur de son aisance, et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Dieu ne charge une personne que selon ce qu'il lui accorde. Donc chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui a signé son rizq. Et là, je t'oriente vers d'autres moyens pour gagner le cœur de ton époux et la satisfaction d'Allah. La femme, il doit agir selon les désirs de son époux, bien sûr dans le convenable. Il doit protéger les biens. Comme a dit le prophète sallam, « Khairun nisa illati idha nazarta ilayha sarratk » La meilleure épouse est celle qui te réjouit quand tu la regardes. « Wa idha amartaha ata'atk » Et quand tu lui donnes un ordre, elle s'y conforme. « Wa idha ribta anna hafizatk » Et quand tu t'absentes, elle préserve aussi bien ton honneur et tes biens. « Wa idha ribta anna hafizatk » Il doit aussi savoir les choses qui lui plaisent pour les faire. Il doit choisir les bonnes paroles douces quand il lui parle. Il doit lui faire sentir qu'elle le respecte et qu'elle l'aime. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup de sœurs sous-estiment leur mari, les dédaignent. Il a été rapporté que la fille de Saïd ibn al-Musayyib, le grand savant, le grand tabi'i Saïd ibn al-Musayyib, sa fille disait: nous ne parlions à nos époux que comme nous parlions à nos émirs. Il doit bien traiter ses proches. Et ça, c'est très important. Surtout sa mère, son père et ses frères et sœurs. Et il ne sort de la maison qu'avec son contentement. Allah a dit, « وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ » Gardez-vous dans vos maisons. Dans Surat 33 et le verset 33. Et donc ça, c'est très important. Ça, c'est une règle de base, c'est que la femme doit rester chez elle. Elle ne sort que si son époux lui permet. Des femmes, on les trouve rarement chez elles, subhanallah. Et aussi, elle ne doit pas jeûner le jeûne surrogatoire pendant sa présence qu'après son contentement. « La yahillu limra'atin » تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. Il n'est pas permis à la femme de jeûner en la présence de son mari, sauf avec sa permission. Et il ne permet l'accès de sa maison qu'avec son autorisation. Hadith rapporté par Al-Bukhari suivant Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Donc il ne jeûne, le jeûne surrogatoire, qu'après sa permission, et il a le droit de, si elle a fait sans demander l'autorisation, il a le droit de lui gâcher son jeûne, d'avoir un rapport avec elle et lui gâcher son jeûne. Les savants, les juristes ont dit que ça, c'est son droit. Et je termine par une histoire. C'est deux grands savants se sont réunis, c'est Sharih al-Qadi et Shabi, deux grandes références de savants dans l'islam. Le grand Sharih, le juriste connu, le juge très connu, et le grand Shabi, ce sont tous des hommes qui ont rapporté beaucoup de hadiths, et l'imam al-Bukhari, il a rapporté de beaucoup de hadiths. Donc, ce sont deux grands éminents cheikhs. Shabi, il a appris des milliers et des milliers de hadiths. Et Shurayh, al-Qadi, le juge, il a conseillé Shabi de choisir pour épouse une des femmes de Bani Tamim. Bani Tamim, la région de Riyad, Najd. Une des femmes de Bani Tamim. Il lui dit, Shabi, je te conseille les femmes de Bani Tamim. J'ai vu que ce sont des femmes sensées. Et Shabi lui a dit, explique-moi, qu'est-ce que tu as remarqué comme chose sensée chez elles? Et Shurayh lui raconta qu'il passa un jour à côté d'une maison, et il y avait à la porte de cette maison, il y avait une femme vieille et une jeune fille jolie. Et il leur demanda de lui donner à boire. Et la jeune fille lui dit, qu'est-ce que tu veux boire? Et Suresh lui a dit, n'importe quelle boisson. Et la vieille dame intervint et dit, malheur à toi, jeune fille, apporte-lui du lait. Je pense que l'homme est étranger. Et Shariha s'enquit auprès de la femme au sujet de la jeune fille. Il a pris son nom, le nom de son père, et il a appris qu'elle n'est pas mariée. Il se présenta chez ses parents et leur demanda la main de leur fille, et ils acceptèrent. Et Shariha dit à Shabi, et il a dit, si tu vois leur femme la ramener jusqu'à chez moi, ils étaient très accueillantes. Et il a dit, Shariha à sa nouvelle épouse, il lui a dit, il est de tradition de Sunna que la femme, que quand la femme entre dans la chambre de son mari, d'accomplir 2 rak'at ensemble. Et ensuite, il invoque Dieu de lui accorder ses bienfaits et de la préserver et de le préserver de ses méfaits. Et il a dit, Shariha le rapporte, il dit, je me suis donc levé et j'ai accompli 2 rak'at. Et quand j'ai fait le taslim, j'ai vu qu'elle était derrière moi, en train de me suivre dans ma prière. Et quand j'ai terminé ma prière, des jeunes filles sont venues prendre mes habits et m'ont vêtu d'une pièce d'étoffe teinte en rouge avec le kartan. Donc c'est une belle pièce d'étoffe teinte avec ce produit-là, qui vient de cette plante, le kartan. Et quand il n'est resté dans la chambre que moi et elle, je me suis approché d'elle et tendu ma main vers elle. Et il dit doucement à Abu Umayya, reste là où tu es. Puis elle entama un discours. Et il dit, Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa usalli ala Muhammadin wa alih. Là, c'est la nuit de noces. Une jeune fille qui fait ce discours-là. Louange à Dieu, c'est lui que je loue, je lui demande de l'aide, et je prie sur Mohammed et sa famille. Et il continue, il a dit, je suis une femme étrangère, je ne connais pas ton caractère. Montre-moi les choses que tu désires pour que je m'y conforme, et les choses qui te déplaisent pour que je m'en écarte. Puis il ajouta, il dit, tu vois, tu avais sûrement dans ton peuple quelqu'un qui est digne pour que tu le prennes comme épouse. Quelqu'un pour que tu maries avec lui. La même chose concernant mon peuple. Mais quand Dieu décrète une chose, elle fut. Tu as possédé, fais donc ce qu'Allah t'a ordonné. Soit retenir selon les convenances, soit libérer généreusement. Et il a dit par Allah au Sha'bi, je me suis vu contraint de faire un discours à cet endroit. Ce que je dis, gêné. Et je dis alors, louange à Dieu, je le loue, j'implore son aide, que Dieu prie sur le prophète et sa famille et leur donne la paix. Tu viens de dire des paroles. Si tu les observes, ce sera ta chance. Mais si tu ne les appliques pas, ce sera une preuve contre toi. Je désire telle chose, et je désire et je déteste telle chose. Nous sommes unis, alors ne crée pas la division. Si tu vois une qualité, propage-la. Si tu vois un défaut, tais-le. Et il dit, qu'en est-il de la visite des familles? Et Shariha a répondu, je n'ai pas que ma belle famille se lasse de moi. C'est-à-dire, il n'est pas le rendre visite fréquemment. Et il a dit, qui parmi tes voisins acceptes-tu qu'il rentre chez toi pour que je lui autorise? Et ce que dit que tu détestes, je les déteste moi aussi. Ça, c'est une femme, la nuit de noces, elle dit ça. Et Shariha dit, j'ai dit, la famille d'un tel sont des gens honnêtes, et la famille d'un tel sont des gens du mal. Puis Shariha dit à Sha'bi que durant un an, il n'a vu en elle que ce qui le plaît. Et à la fin de l'année, une vieille femme lui rendit visite, et la femme qui a élevé cette fille. Et il lui a dit, Assalamu alaikum Abu Umayya. Il est venu, cette femme, cette vieille femme, et il dit, Assalamu alaikum. Il lui dit, Wa alaikum salam. Man ant, qui es-tu? Il a dit, je suis ta belle-mère. Bah, ta belle-mère, ce n'est pas vraiment la mère de la fille, mais celle qui l'a éduquée. Il lui a dit, que Dieu te fait rapprocher, que Dieu te fasse rapprocher de lui. Qarrabakillah. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses de ton épouse? Donc il dit alayhi salam, qui es-tu? Il dit je suis ta belle-mère. Il dit que Dieu te fasse rapprocher de lui. Puis la vieille dame lui a dit qu'est-ce que tu penses de ton épouse? Il a dit bonne épouse. Puis la vieille dame dit alors Abu Umayya, la femme peut être pire dans deux situations. Quand elle donne naissance à un enfant et quand elle est gâtée par son époux. Quand tu doutes de quelque chose, sois ferme. Car par Allah, les hommes ne gardent pas chez eux pire qu'une femme gâtée. Ça, c'est la recommandation qu'il lui a faite. Et Shuraih lui dit, il dit à Sha'bi, par Allah, il a dit à la femme, par Allah, tu as éduqué et tu l'as fait parfaitement. Et là, la vieille dame lui a dit, veux-tu que ta belle famille te rende visite? Et il lui a répondu, elle est la bienvenue. Et au bout de chaque année, la vieille dame vient lui rendre visite et lui donne la même recommandation. Et Shuraih a dit à Sha'bi, pendant 20 ans, il n'a vu en son épouse ce qui le déplaît. Il n'a rien vu de ce qui le déplaît. Sauf une seule fois, il dit. Il a dit, sauf une seule fois où je me suis mis en colère. Et c'était moi le fautif. Et puis il lui a raconté, il a dit, un matin, c'était le Fajr, Shuraih a entendu le muezzin faire l'iqama de la prière et puis il a voulu se presser pour rattraper la prière. Et là, il s'apprêtait de partir à la mosquée quand il a vu un scorpion. Et il a pris un récipient, il a retourné le récipient, il l'a mis sur ce scorpion-là pour le bloquer. Et il a crié à son épouse, Zainab, ne bouge pas. Et ça doit être une scène, je crois, sur c'est là où il dormait. Et puis, quand il lui a dit ne bouge pas, la pauvre, elle est restée immobile. Il a obéi à son mari. Quand il lui a dit ne bouge pas, il n'a pas bougé. Et le scorpion a réussi à se glisser sous le récipient et il l'a piqué dans le doigt. Et Shuraih s'est mis en colère. C'était la seule fois et c'était lui le fautif. Donc, regardez cette femme, le comportement de cette femme, la haute moralité de cette femme-là et prends-la comme modèle. Donc, comme j'ai dit, j'ai terminé avec cette histoire-là et comme j'ai dit au début qu'il faut tenir compte du droit de l'époux parce qu'il est très important. Ça, c'est très important. Et ce sujet-là, j'ai remarqué qu'il est assez tabou. Beaucoup ne veulent pas parler de ce sujet. Ils disent non, on va blesser les sœurs et tout. Non, il faut dire la vérité. Il faut lui montrer l'importance parce que Allah a insisté sur ce point pour bâtir une génération, pour consolider les liens, pour sauvegarder les foyers. Et quand le foyer est sauvegardé, l'homme il vit heureux, il peut donner, il peut faire la da'wah comme il faut. Et quand la femme, elle peut vivre heureuse. Et gagner le paradis après. Et je dis attention parce qu'il y a des sectes et certaines associations, ils ne veulent pas aborder ce sujet parce qu'ils ont peur. Et si on dit ça, bon, le droit du mari passe avant, etc. Et elles, surtout, ils veulent utiliser certaines sœurs pour leur... C'était pour leur passion. Parce que j'ai vu, moi, personnellement, il y a des sectes qui utilisent des sœurs pour faire la da'wah dans des endroits qui sont pas convenables. Et ils les utilisent, ils mettent le maquillage et tout pour attirer d'autres filles, pas pour les faire da'wah pour Allah, mais pour agrandir leur cercle. Et donc c'est très important le droit de l'époux. Et certaines sœurs, ils se plaignent, ils disent ils ne me laissent pas participer dans des leçons, ils ne me laissent pas se réunir avec d'autres sœurs. Attention, si cette réunion il n'y a que la médisance, il vaut mieux rester chez soi. Si le cours que tu vas assister n'est pas vraiment profitable, ne profite pas ne donne pas quelque chose de positif dans ta vie, dans tes adorations, ne te rapproche pas davantage d'Allah, ce n'est pas la peine. À quoi ça sert d'assister à une conférence dans laquelle on parle par exemple de la mondialisation et ton petit monde, il est vraiment ton petit monde, c'est-à-dire chez toi, il n'est pas bien entretenu. À quoi ça sert de parler, par exemple, de la guerre en Afghanistan, de la guerre en Irak, alors que la guerre risque de se déclencher chez toi. Donc, fais très attention et dose bien les choses. C'est ma dernière recommandation. Et qu'Allah apporte de l'amour, de la sérénité, de la tranquillité, du bonheur à chaque foyer musulman. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.